par remercier Rachel Thomas et le laboratoire Cresson de m'avoir invité à parler sur les descriptions d'itinéraires piétons. Je suis linguiste, mais je travaille sur des discours qui sont toujours très fortement mis en contexte, et je m'intéresse beaucoup à cette contextualisation. Par conséquent, je pense que déjà j'aurai un terrain de dialogue avec ceux qui ici ont une formation d'ethnographe ou de sociologue, et puis plus largement au titre de l'interdisciplinarité, je pense que le dialogue pourra s'élargir encore. Je commencerai peut-être par citer une phrase de Paul Valéry dans ses cahiers, une phrase qui est bien plaisante pour ceux qui travaillent sur la marchandise, me semble-t-il. Alors voici: la mémoire ou conscience et transmission. Ce qui fut le marcheur devient le chemin. Alors dans cette phrase, Paul Valéry met le doigt sur le fait que les chemins, les trajets que nous suivons ne sont jamais que la solidification des pratiques. Mais précisément, je ne m'intéresserai pas simplement à cette dimension solidifiée et presque rigidifiée, mais je m'intéresserai aux pratiques discursives, aux pratiques gestuelles, aux pratiques posturales qui permettent d'énoncer les itinéraires, et je dirais dans un vocabulaire que je préférerais, peut-être que j'aurai le temps d'en expliquer, mais je n'en suis pas sûre, donc je travaillerai sur la manière dont les interlocuteurs actualisent leur description d'itinéraire. J'ai entendu ce matin que Jean-Paul Thibault utilisait aussi le mot actualisation. Alors peut-être que nous pourrons parler ensemble de cela. Alors l'orientation théorique, la démarche, je vous ai dit que j'étais linguiste, plus précisément je me situerai du côté de l'analyse du discours et de l'analyse des interactions verbales. D'autre part, je soulignerai trois points dans ma démarche qui me paraissent la caractériser. D'abord, il s'agit d'étudier, d'explorer l'incidence de la praxis sur la construction du sens de l'espace, la dimension praxéologique des discours. Les échanges sur lesquels nous allons travailler répondent particulièrement bien à cette préoccupation, puisque le langage et l'action, le dire et le faire sont étroitement imbriqués. Ce sont des discours procéduraux, ce sont des discours instructionnels aussi, c'est-à-dire des discours qui expliquent comment faire pour atteindre la cible demandée, et pour expliquer comment faire, mais sous forme de consignes. On dit de faire, on donne des consignes. Deuxième dimension qui me paraît jouer fortement dans ces petits échanges, leur dimension intersubjective. Alors, bien sûr, il nous apparaît d'évidence que ce sont des dialogues. Et par conséquent, dans un dialogue, chacun joue sa partie et on échange. Mais au-delà de cet échange que nous imaginons immédiatement comme un échange verbal, il faut se rendre compte que nous sommes dans une communication totale, une communication multimodale, où les postures, où les gestes, où l'intonation vont jouer un rôle prépondérant, et le branchement direct sur l'environnement. Par conséquent, cette intersubjectivité, moi je la déclinerai de deux manières. La première, c'est celle que j'ai dite évidente, l'intersubjectivité du dialogue. Le je et le vous, dialogue, échange. Mais il y a une deuxième dimension qui est moins évidente, c'est la communication des savoirs, la communication des praxis. Et là, j'essaierai de montrer que ce qui entre en jeu, c'est une autre forme d'intersubjectivité. Et cette autre forme d'intersubjectivité est liée au sujet pratique, au sujet praxéologique, si vous voulez. quand on transfère des connaissances de pratique, on ne se contente pas de dialoguer en je et en vous. Il se passe autre chose dans la transmission de ce type de savoir. Troisième dimension, qui servira de guide aussi dans cette présentation, ce travail sur les itinéraires repose aussi sur une conception dynamique des descriptions de l'espace. Alors je crois qu'ici, je rejoins assez largement les travaux fondateurs du Cresson, les travaux de Jean-François Augoyard, hein, et toute la dimension du pas à pas dans la description de l'espace, hein, que l'on trouve en particulier dans la marche en ligne. Alors j'ajouterai qu'en tant que linguiste, et alors ça me fera quand même un quatrième point, une quatrième dimension dans mon approche, j'interpréterai cette conception dynamique des descriptions de l'espace en termes d'actualisation. Alors l'actualisation, c'est un concept qui est destiné à rendre compte de l'épaisseur des opérations permettant de construire le sens. L'actualisation rend compte de l'épaisseur des opérations qui construisent le sens. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela ressemble, pour ceux qui sont un peu frottés de linguistique, à la notion d'énonciation, n'est-ce pas? Voilà. Mais il y a une différence, c'est que quand on parle d'énonciation, en général, on parle de la conversion des potentialités de la langue au discours et on ne s'intéresse pas du tout au parcours. Et précisément, il me semble que ce qui est essentiel dans ces descriptions d'espace, c'est le parcours d'actualisation, le parcours qui permet de construire le sens. Parcours qui va nous mener à une conception incarnée de la construction du sens et aussi à la prise en compte de la dimension temporelle de cette construction. Alors, venons-en à présent à l'étude des discours que je veux vous présenter. Alors, je m'y prendrai en deux temps. Je ferai d'abord une première approche qui sera fondée plutôt sur une transcription des données. Donc, je vais me centrer plutôt sur des phénomènes d'organisation qui peuvent être perçus à partir du verbal, mais un verbal qui, vous le verrez, est déjà indexé de manière à rendre compte du contexte. Et une fois effectuée cette première approche pour dégager des phénomènes d'organisation des descriptions itinéraires, je passerai à la dimension multimodale par une ou des illustrations avec des enregistrements vidéo. Je dis une ou des parce que nous verrons en fonction du temps qui nous est imparti pour ce travail. Voilà. Et je regarde là. Donc, première approche, je commencerai par vous présenter les données. Ce corpus de description d'itinéraire a été recueilli à Montpellier, dans un quartier central de Montpellier, qui est le quartier Saint-Roch. D'où le fait que, généralement, ce corpus est appelé corpus de Montpellier-Saint-Roch. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces données? Des passants sollicitent dans la rue d'autres passants pour leur demander le chemin. C'est le chemin d'une église qui est demandé. Alors, la demande se présente avec quelques variantes sous la forme « Pardon, monsieur, madame, mademoiselle, l'église Saint-Roch, s'il vous plaît. » En réalité, les demandeurs ne sont pas de simples passants, ce sont des enquêteurs. Mais les passants interrogés ne le savent pas, car l'enquête a été faite dans un premier temps de manière sonore à micro caché, et dans un deuxième temps, à caméra cachée. Donc, nous avons aussi des données vidéo. Donc, on peut penser qu'il y a une certaine naturalité dans ces données, même si, bien sûr, on ne peut pas attendre que les enquêteurs jouent leur rôle avec le naturel qui serait exactement celui de passants réellement égarés dans le quartier Saint-Roch et cherchant l'église. Parlons de la cible. Alors l'église Saint-Roch donne son nom au quartier d'enquête et aussi à la place qui l'entoure. Cette église, elle est invisible de tous les points de demande de l'itinéraire, parce qu'elle est entourée d'un bâti dense et dénuée de clochers. Mais elle dispose d'une bonne notoriété, parce qu'elle est le monument qui a donné son nom au quartier. Alors, d'autre part, elle paraît toujours intuitivement assez proche aux informateurs, du moins ceux qui connaissent bien le trajet. Ils sentent cette proximité. Et d'autre part, c'est vrai que les itinéraires demandés ne sont pas longs. Hein. C'est entre 165 mètres et 350 mètres. Mais malgré ce, il y a une assez grande difficulté à donner le trajet en raison de l'invisibilité de l'église. Mais il y a une autre raison dont je vous parlerai tout à l'heure, c'est les caractéristiques du tissu urbain, parce qu'on est dans un quartier central et ancien. Alors, parlons un peu du quartier, justement. Le quartier Saint-Roch, c'est un quartier central, je l'ai dit, se caractérise par la présence d'un habitat de prestige, parce qu'il y a en particulier des hôtels du XVIIe, du XVIIIe siècle. On trouve aussi quand même dans certains secteurs du quartier un habitat vétuste, hein, il faut le dire. Bon, c'est en somme un quartier et ancien et historique. C'est aussi un quartier animé. Vous le verrez sur les vidéos. Il y a du bruit, il y a de l'agitation. Les passants traversent devant la caméra dans tous les sens. Quartier animé, caractérisé par des activités commerciales liées à la centralité. Il y a des cafés, il y a des restaurants. C'est un quartier très passant. Je finis avec les caractéristiques du tissu urbain. Non seulement le quartier Saint-Roch a un habitat ancien, mais il a conservé son réseau de voiries médiévales, avec des rues tortueuses, des rues étroites, et qui sont réservées pour beaucoup à la circulation piétonne. Les rues plus larges, sont en fait de largeur modeste, mais enfin on les considère quand même comme grandes par rapport au reste, ce qui fait qu'on a la grande rue, ainsi dénommée depuis le Moyen-Âge, un peu plus large en effet, et aussi la rue Saint-Guilhem. Alors dans votre document, vous avez un plan rue, vous avez un plan du quartier Saint-Roch tout à la fin, et je le commenterai un peu tout à l'heure. Alors, ces caractéristiques du tissu urbain gagneraient à être travaillées en détail, mais je n'aurai pas le temps dans le cadre de cette communication de vous en parler. Mais il y aurait une exploitation possible à faire concernant la manière dont sont traitées les petites rues, parce que les petites rues ne sont pas traitées comme des individualités, elles sont traitées, je l'ai dit d'ailleurs dans ma présentation, comme un tissu. C'est-à-dire qu'il y a un effet de gestalt qui se produit. Les rues semblables entre elles, les petites rues toutes anciennes, forment une unité thématique, elles forment une zone et pas une somme de rues distinctes les unes des autres. Et ça a une incidence sur certains aspects de description. Bon, après cette présentation des données, venons-en aux premières observations et au dégagement de quelques caractéristiques saillantes dans ces descriptions d'itinéraires. Alors, bon, je commencerai par distinguer entre ce que j'appellerai la communication d'itinéraire et l'indication d'itinéraire. À la suite de Klein, Wolfgang Klein, un psycholinguiste qui a travaillé sur les descriptions d'itinéraires dans les années 80, je propose de distinguer la communication d'itinéraire, qui est la totalité de l'échange, donc totalité de l'échange qui comporte la requête de la part du demandeur, d'autre part la description du trajet proprement dite par l'informateur, et pour finir les remerciements du demandeur, remerciements qui mettent fin à l'échange. Alors, la communication d'itinéraire, c'est donc l'échange total. Et deuxièmement, l'indication d'itinéraire, eh bien, c'est la partie centrale de l'échange où l'informateur donne le trajet. ce que j'appellerais en abrégé des II, des indications d'itinéraire. Bon. Alors, je précise que dans cette présentation, je vais me consacrer uniquement à cette description du trajet, à la partie centrale donc de l'échange qui est prise en charge par l'informateur. Compte tenu du fait que ce séminaire est consacré à la marche en ville, il m'a semblé que c'était la partie pertinente, bien sûr, à travailler avec vous, puisque c'est dans cette partie qu'on décrit la progression dans l'espace. Ce sont des descriptions de progression, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que nous sommes à un niveau second. On ne travaille pas directement sur l'observation de la marche en ville, hein ? Tiens à le souligner, mais sur des discours qui décrivent un trajet. Et qui décrivent un trajet non pas pour le plaisir de décrire une marche, mais pour faire réussir le demandeur d'information qui, dans un deuxième temps, va devoir effectuer le trajet. Donc ces textes sont très, hein, ces textes descriptifs, car ce sont des descriptions, sont très axés vers l'action et vers la réussite de l'action. Alors, je commence par l'organisation de l'indication d'itinéraire en tant que texte. Je viens de le dire, d'ailleurs, ce sont pour moi des descriptions. Donc, c'est une typologie de texte pour les linguistes, pour les analyses du discours. On distingue la typologie narrative, la typologie descriptive, la typologie argumentative, etc. Bon, à mon avis, on se situe dans la description, même si on peut discuter et dire que certains aspects ressemblent aussi à la narration. Alors, dans ces descriptions, en tant que texte, il y a, me semble-t-il, une organisation prégnante qui se dégage, et pour essayer de comprendre, nous allons regarder la transcription. Dans un premier temps, je ne vous fais pas écouter, je ne vous fais pas regarder non plus, et là je ne pourrais pas vous faire regarder parce que c'est B1, c'est un corpus sonore, hein. Donc nous allons travailler sur B1 Castellane 9. Alors B1, ça veut dire que dans le corpus B que j'ai collecté, qui est le corpus des descriptions d'itinéraire, c'est le premier qui a été collecté, il est sonore. Quant au nom qui vient ensuite, c'est le nom du point de départ. Hein. Donc Castellane, cela veut dire on est parti de la place Castellane, on s'est situé sur la place Castellane pour demander cet itinéraire, et 9, ça veut dire c'est le 9e qui a été collecté. Alors vous avez toujours sur votre petit plan la localisation de la place Castellane. C'est à un des coins, à une des extrémités du quartier Saint-Roch. Hein, c'est dans le plan, dans un angle en haut à gauche. Là, vous avez la petite étoile. Alors là, ce sont des étudiants de DEA qui collectent, et l'informatrice est une femme de 55 ans, commerçante du marché, on le voit parce qu'elle est... elle a un étal en plein air, elle est interrogée sur le lieu même où elle vend ses denrées. Donc, qu'est-ce qu'on trouve ? Eh bien, on trouve les conventions de transcription très fréquentes, hein, les tours de parole sont numérotées, les barres obliques indiquent les pauses silencieuses, et lorsqu'il y a les deux points, ce n'est pas une ponctuation, c'est un signe qui indique allongement de syllabes. Dans ce corpus B1, on a aussi noté sommairement l'intonation. Donc, l'intonation va avoir une pertinence aussi pour l'organisation de la description. Alors, voici, on peut le lire ensemble. Excusez-moi, madame Lévis Saint-Roch, s'il vous plaît. C'est la derrière. Vous pouvez prendre cette petite rue, là. Et entre parenthèses, vous avez « oui » de la part d'une enquêtrice. Ce qui est mis entre parenthèses, ce sont les rétroactions brèves, les petites réactions des interlocuteurs. Là, en continuant tout droit, il y a des escaliers, vous les prenez. Quand vous êtes en bas de ces escaliers, de la rue, vous tournez un peu à droite, et tout de suite à gauche, et vous avez Saint-Roch là. Bon, il y a le remerciement ensuite d'une des enquêtrices qui clôture l'interaction. Dans une description comme celle-ci, on pourra distinguer deux niveaux de construction du texte. D'une part, ce que j'appellerais l'itinéraire séquentiel. une suite ordonnée de propositions. Alors, quelle est cette suite ordonnée de propositions? Eh bien, je vais les lancer. Vous pouvez prendre cette petite rue. Là, en continuant tout droit, il y a des escaliers, vous les prenez. Quand vous êtes en bas de ces escaliers de la rue, vous tournez un peu à droite et tout de suite à gauche. Et vous avez Saint-Roch là. Donc, vous voyez, la plus grande partie, en fait, de cette description est constituée par l'itinéraire séquentiel. Et chaque proposition de cet itinéraire a une validité locale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que chaque proposition ne peut être énoncée de manière valide qu'à la place où elle est indiquée. Si je la déplace, si je commence en tant qu'informatrice par dire, que sais-je, vous tournez un peu à droite comme proposition P1, n'est-ce pas? Ça ne marche pas. Bien sûr, il faut commencer par dire, vous prenez cette petite rue, une rue qui est en fait en face, tout droit, et non pas à droite. Voilà, donc l'ordre des propositions est tout à fait prégnant à l'intérieur de l'itinéraire séquentiel. Itinéraire séquentiel, ça veut dire tout simplement itinéraire qui constitue une séquence ordonnée de propositions. Et alors, il y a un autre type de proposition qui va constituer l'autre niveau de la description. Ce sont les propositions que j'appelle les indications générales. Les indications générales constituent des caractéristiques stables du trajet qui est décrit. Alors, vous voyez que l'itinéraire séquentiel indique la progression, ce qui correspondrait ensuite à la marche de l'effectuateur du trajet, tandis que les indications générales, elles, ne sont pas des indications en vue de la marche, mais plutôt en vue d'identifier globalement les caractéristiques du trajet. Et comme ce sont des caractéristiques globales, elles restent stables, elles restent toujours valides, où qu'on place les propositions en question. Donc, à quoi avons-nous à faire comme indication générale? Certaines portent sur la difficulté du trajet à effectuer. Alors c'est le type, c'est simple, puis on vous donne le trajet. Mais très souvent c'est plutôt, oulala, ou quel col vous me posez là, ou attendez que je réfléchisse, ou plus simplement, l'église Saint-Roch, c'est compliqué. Alors c'est ça les énoncés sur la difficulté, et généralement ils se placent au début de la description. Mais enfin, comme c'est toujours valide, le locuteur peut vous le dire aussi à la fin, par exemple, etc. Bon. La distance, c'est pas loin, c'est à 3 minutes. Hein, ou au contraire, c'est pas du tout dans le secteur, c'est loin, etc. Ce que j'appelle le zonage, c'est la circonscription d'une zone pertinente où il va falloir chercher la cible. Alors on vous dit assez souvent, c'est dans le vieux Montpellier, c'est dans les petites rues. Voilà. Et c'est pas du tout dans ce secteur, mais ça marque l'éloignement, mais ça marque aussi une zone qui n'est pas celle où se trouvent en ce moment les interlocuteurs. Et enfin, dernier type d'indication générale, l'orientation. Mais attention, il y a beaucoup de types d'orientation dans les itinéraires. Là, on parle de l'orientation générale, l'orientation d'ensemble vers la cible qui n'est pas visible, je vous le rappelle. Hein. Il n'y a pas de clocher. Alors, type d'orientation générale, je vous le donne sous la forme verbale, mais vous imaginez qu'il y a la contrepartie gestuelle, c'est par là derrière, c'est vers là-bas, c'est vers en haut. Alors, ce que j'ai dégagé pour les descriptions d'itinéraires vaut de manière plus générale pour la typologie textuelle qu'on appelle la description. On peut distinguer entre des propositions qui sont syncrétiques, que j'ai dans la petite figure qui est en dessous, j'ai symbolisé ça par PS, les propositions syncrétiques, c'est les propositions toujours valides qui caractérisent globalement le trajet vers la cible et la zone où se trouve cette cible. Et puis il y a les propositions de validité locale, les PL, qui vont constituer la séquence. Ce que précise mon schéma, que vous voyez en dessous, c'est que préférentiellement, les indications générales dans la description se trouvent en position initiale ou en position finale. C'est-à-dire que quand on vous dit, par exemple, l'église, c'est par là derrière, ou c'est vers en haut, on vous le dit en préface, ou on vous le dit préférentiellement en conclusion et en rappel. Et ça, ça a une signification pour la compréhension de l'espace décrit, parce que ces propositions ont un rôle intégratif. Je veux dire par là qu'après l'itinéraire détaillé qu'on va vous décrire, vous prenez cette rue, vous tournez à droite, à gauche, etc., tout ça, c'est vrai, puisque l'informateur pense que c'est vrai, il vous le dit, mais en même temps, pour que vous le compreniez bien, il faut que vous l'intégrez dans un tout. En somme, c'est partie de l'itinéraire qui constitue la séquence, qui constitue les PL détaillés de la séquence descriptive. Il faut que vous, si vous êtes le demandeur, vous arriviez à les intégrer dans le tout de la description. Et pour ça, par exemple, on va vous dire, ah ben, pour commencer, l'église, c'est par là derrière. Donc, on va capter une orientation globale. Et dans ce quart de cercle qu'on a tracé à l'intérieur de l'environnement, vous êtes d'accord, l'environnement, c'est 360 degrés. Et déjà, dans les 360 degrés, quand on a dit, c'est par là derrière, on a tracé un quart de cercle pertinent. Et dans ce quart de cercle, ensuite, on va tracer la séquence du parcours détaillé. Alors voilà, et pour vous expliquer le tout de mon schéma, je vais pas encore vous expliquer le niveau condensif et le niveau extensif, mais vu ce que je viens de vous dire, vous allez sans doute comprendre. Le niveau expansif, c'est l'addition des propositions locales, n'est-ce pas, les propositions détaillées qui expliquent comment on fait le trajet. Vous prenez cette rue, vous la suivez, vous trouvez des escaliers, vous tournez à droite et puis à gauche. C'est ça, donc, le niveau expansif, c'est l'addition des propositions locales, la description détaillée du parcours. Tandis que le niveau condensif, eh bien, c'est là que vous trouvez les propositions syncrétiques, les propositions qui permettent d'intégrer la description détaillée dans un tout, dans une globalité. Alors, c'est le type, c'est par là derrière, c'est dans le vieux Montpellier, c'est dans les petites rues, etc. Voilà. Alors, selon moi, c'était mon hypothèse de départ et je pourrais y revenir un peu tout à l'heure, la description, c'est un mouvement entre le condensif et l'expansif. Et les descriptions d'itinéraire fonctionnent comme ça. Alors, deuxième point, toujours dans cette première partie, je crois que là, nous sommes au plus près du processus de la progression dans la marche. Je voudrais essayer de montrer qu'il y a réellement une ressemblance entre le discours et le parcours. Le discours, c'est la description d'espace, donc nos descriptions d'itinéraire, puisque nous travaillons là-dessus, hein, et le parcours, eh bien, c'est ce à quoi on se réfère, hein, c'est-à-dire le trajet qu'il va falloir accomplir dans l'environnement. Parallélisme entre le discours et le parcours. Alors, il s'agit là du phénomène d'iconicité. Dans iconicité, vous avez icône. Une icône, vous êtes d'accord, c'est une image. Hein. Alors, en sémiotique, chez Peirce, l'icône, c'est un type de signe particulier qui se caractérise par sa ressemblance avec ce qu'il veut représenter. Seulement sa ressemblance. D'où le fait que chez Magritte, ceci n'est pas une pipe. Vous connaissez peut-être ce tableau où une pipe est représentée. Ben, c'est bien vrai, c'est pas une pipe, c'est la représentation d'une pipe. Mais on est un peu surpris. Parce que finalement, les icônes travaillent toujours à s'assimiler à ce qu'elles veulent représenter. Alors, il y a aussi des icônes dans les descriptions verbalisées des itinéraires. Mais dans quel sens? Bien alors, plus précisément, il s'agit de ce que Heymann, en 1980, a appelé l'iconicité diagrammatique. Alors, parmi les icônes, il y a un type d'image particulier qu'on appelle le diagramme. Alors, le diagramme a ceci de particulier que les rapports entre les parties du diagramme ressemblent aux rapports qui existent à l'intérieur du référent, à l'intérieur de ce qu'on veut décrire. Et alors, c'est ce type de rapports qui existent dans nos descriptions de trajets. Je vais prendre d'abord l'exemple de Heinemann pour faire comprendre aux linguistes l'iconicité diagrammatique. Alors Heinemann dit, prenez la phrase de Jules César. Weni, Widi, Wiki. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Eh bien, vous avez là-dedans une séquence de propositions, n'est-ce pas ? Il y a trois propositions successives. Et cette séquence est un mini-récit. C'est un mini-récit où l'ordonnance des propositions est iconique de la succession des actions de César, mais la succession des actions que César a accomplies et qu'il veut narrer. D'un côté, donc, César successivement prétend du moins qu'il est venu sur le terrain, qu'il a vu quelle était la situation et qu'il a remporté la victoire, et d'autre part, il le formule iconiquement par trois propositions qui ont la même ordonnance que les actions qu'il veut décrire. Et c'est ce type d'iconicité diagrammatique que vous retrouvez dans les discours de Saint-Roch, puisque dans les discours de Saint-Roch, du moins à l'intérieur de la séquence de propositions, un bon itinéraire séquentiel, vous avez effectivement reproduction des opérations successives qu'il va falloir opérer dans l'espace pour atteindre la cible. Et donc ça nous ramène tout simplement à l'idée que je soutenais tout à l'heure, que les propositions locales qui constituent l'itinéraire séquentiel, elles n'ont qu'une validité locale parce qu'elles font partie d'une séquence ordonnée dont l'ordre est rigide. Mais pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, cela veut dire que la communication des savoirs va se faire non seulement par la compréhension du message, le contenu verbal, mais va se faire grâce au temps signifiant du message. Puisque dans la succession des propositions qui sont énoncées dans le message descriptif, on a un ordre qui est exactement l'ordre qui va devoir être adopté ensuite pour accomplir les différentes opérations sur le terrain. Donc si je vous donne un chemin, je vous dis d'abord vous prenez la rue en face, ensuite vous la suivez, ensuite vous tournez à droite et ensuite à gauche, la séquence, l'ordre des opérations s'inscrit dans votre mémoire et s'y inscrit, si j'ose dire, expérientiellement à travers le temps qui met en succession les différentes opérations. La transmission se fait ainsi grâce au temps signifiant et à la succession des propositions et à la ressemblance iconique entre ce qui est dit et ce qu'on veut décrire, la succession des opérations. Et puis, il y a une autre dimension aussi dans la transmission des savoirs. Je soulignais en introduction que pour moi, il y avait une certaine forme d'intersubjectivité qui jouait dans la transmission du chemin. Comment transmettre la praxis de la marche en ville ? Eh bien, ce qui y répond, c'est aussi une certaine forme de communication empathique. Cette communication empathique, elle repose entre autres sur la co-orientation des sujets dans certaines phases de l'itinéraire. Revenons à l'orientation générale, une des propositions syncrétiques que je dégageais tout à l'heure. Si vous demandez le chemin et si on vous répond l'église, c'est par là derrière. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, le demandeur d'information ? Vous allez forcément vous aligner avec votre informateur. Vous n'avez jamais vu un demandeur d'information écouter simplement ce que lui dit son informateur sans le regarder, bien sûr, mais non seulement il le regarde, mais il s'identifie à lui. Il y a une co-orientation dans la phase initiale, en particulier quand il faut s'orienter, découper un quart de cercle pertinent pour trouver la cible, il y a une co-orientation par identification empathique. Chacun s'aligne sur l'autre, ou plutôt, je dirais, c'est le demandeur qui s'aligne sur l'informateur, sur celui qui sait. Et souvent, lorsque l'informateur se tend en avant gestuellement, l'interlocuteur, le demandeur lui-même, refait le geste. Voilà. Alors, deuxième forme d'empathie, c'est celle qui joue non pas dans les indications générales, mais dans la séquence descriptive. Lorsque l'informateur décrit les différentes phases du trajet. Bon, eh bien, à ce moment-là, à nouveau, il y a une étroite synchronisation qui se produit entre locuteur et interlocuteur. Étroite coopération qui se voit, entre autres, dans le fait que non seulement l'interlocuteur hoche la tête, dit « etc., mais très souvent enregistre même activement en mimant les attitudes ou les gestes du descripteur. Alors voilà ce que j'ai appelé le sujet praxéologique. J'avais noté que Müller, déjà dans les années 1930, avait mis en avant la notion de schéma corporel sensible. Comment est-ce que nous inscrivons la mémoire du trajet? Nous ne l'inscrivons pas seulement par des mots, mais nous l'inscrivons par transmission directe entre une charpente corporelle sensible, celle de l'informateur, et la charpente corporelle sensible du demandeur. Donc c'est un transfert praxéologique, ce n'est pas un enregistrement d'informations. Et on parle parfois, quand on parle de cognition située, on parle souvent d'externalisation du sens. Le fait que le sens n'est pas quelque chose que nous avons dans la tête, n'est-ce pas, comme un contenu cognitif, eh bien vous voyez qu'ici, forcément, si le demandeur veut réussir à capter l'information, il doit s'arracher à lui-même et il doit se mettre totalement en phase, praxéologiquement, avec son interlocuteur, avec son informateur. Et alors ce fonctionnement praxéologique identificatoire, où le demandeur d'information s'identifie à l'informateur, se trouve non seulement dans les descriptions d'itinéraires, mais plus généralement dans les discours de consignes, ce qui indique comment faire. Voilà, donc je conclue sur ce sujet expérientiel en disant qu'il a quelque chose d'anonyme, et j'aime bien dire que c'est un somebody, parce que ici, somebody en anglais nous dit beaucoup plus que quelqu'un en français. Somebody, c'est un corps, une charpente corporelle sensible, comme dirait Karl Buller, n'est-ce pas, le psycholinguiste, qui, dans les années 30, s'était intéressé déjà aux transmissions d'itinéraires sur le terrain. Alors, je vais vous passer maintenant, combien me reste-t-il de temps à peu près? Un quart d'heure, 20 minutes. Bien, j'espère que ça va marcher. Nous allons passer maintenant à une petite écoute d'audiovisuel. Nous allons écouter cette fois-ci l'interaction B3-Écuve-10. Donc, vous voyez, Écuve, c'est un autre point de départ, un autre lieu où on a demandé des itinéraires, toujours dans le quartier Saint-Roch, et B3, c'est un corpus audiovisuel. Alors, ce corpus audiovisuel va me permettre de passer à d'autres généralisations que vous voyez dans le tiré à part que je vous ai distribué, me fait passer à la deuxième partie de l'exposé que j'ai intitulée « Territoire et cartes, origo primaire et origo secondaire ». Bon. Alors, commençons par cette illustration audiovisuelle. On va voir si ça marche. Thank you. entendre monsieur l'église de Saint-Roch. Vous avez la transcription. Je pense que vous allez prendre un peu à droite, vous allez voir la chambre de commerce, on va vous dire tout, c'est celui, tout de suite à gauche. Vous attendez un jour avant, le temps de 40 minutes à droite, hein, sur le lieu de la chambre de commerce, vous allez la loger, et au lieu, ça rentre et devant nous, hein. Oui, oui. Encore une fois, hein. Ça va vite, n'est-ce pas? Quand il faut le transcrire, c'est sûr. Pardon, monsieur, l'église de Saint-Roch est... Vous allez prendre un peu à droite, vous allez voir la chambre de commerce, on va vous dire tout, c'est CCI, tout de suite à gauche. Vous attendez un jour avant, au point de 42 ans, vous êtes à droite, vous allez la chambre de commerce, vous allez la loger, et vous voyez, ça rentre et devant nous, hein, allez la salle de Vous avez vu la partie audiovisuelle qui vous a permis, je pense, de mieux mesurer la complémentarité entre le verbal, le gestuel, le postural. Et puis, nous allons voir aussi qu'il y a des ressources qui sont puisées directement dans l'environnement. Alors, c'est une communication multimodale, c'est aussi une communication située. Et c'est à ce titre, justement, qu'il y a cette complémentarité que je viens de souligner. Alors, elle est illustrée par le fait que l'informateur, I, ne cite aucun nom de rue. Vous pouvez le vérifier dans la transcription, puisque l'écoute et le visionnage, ça va toujours très vite, mais il n'y a pas de nom de rue. Les noms de rue sont indiqués par les transcripteurs, n'est-ce pas, qui, eux, ont éprouvé le besoin de préciser certaines choses. Alors, ce n'est pas que les informateurs ne citent jamais de nom de rue. Ils s'en servent à bon escient, et en particulier lorsque l'information leur paraît prépondérante. En somme, c'est une espèce de viatique, quelque chose que le demandeur d'information va devoir emporter avec soi. Quand le nom de rue est cité, c'est qu'il semble à l'informateur que cette rue-là va pas falloir la manquer, quoi. Hein? Donc on la cite par son nom. Mais sinon, celui-ci, eh bien, il ne recourt à aucun nom de rue, même la rue qui est très souvent citée pour ses itinéraires à partir de la rue des Études, à savoir le nom de la grande rue, il ne la cite pas. Alors, il préfère donc s'appuyer directement sur la description. Description qui est non seulement verbale, mais évidemment aussi gestuelle et posturale. Et ce qui est également caractéristique, c'est que l'informateur saute, sur le plan verbal du moins, la première étape. La première étape, c'est prendre la rue du Cheval Blanc. À partir de la rue des Études, si vous regardez le plan, hein, pour traverser, il faut prendre une petite traverse. Hein. Dans l'itinéraire qui donne, il faut traverser, prendre la grande rue, monter... jusqu'à la chambre de commerce et tourner à gauche. Bon, eh bien, dans sa description, il saute la première rue. Pourquoi? Parce qu'il s'est déplacé. Il a eu une autre stratégie. C'est une autre externalisation du sens. Tout simplement, il a emmené avec lui les demandeuses d'informations. Il leur a dit, venez par ici, venez un peu par là. Hein? Et il les a emmenés face à l'ouverture de la rue. Donc, l'ouverture de la rue, implicitement, c'est cette rue-là qu'il faut prendre, bien entendu. Et il montre, à travers la percée de la traverse rue du Cheval Blanc, la grande rue qu'il va falloir prendre. Donc, il commence par l'étape 2, parce que de fait, l'étape 2, grâce à son déplacement devient visible. Alors, c'est donc un deuxième exemple pertinent pour vérifier que cette verbalisation de l'espace est complètement située et que le sens est externalisé, qu'il puise directement des éléments pertinents dans les pratiques de l'environnement. La pratique branchée sur l'environnement rend certains éléments immédiatement saisissables. Troisième remarque que je voulais faire, cette description paraît relativement rapide et simple, mais déjà, elle a une petite complexité, elle comporte une reformulation. Alors si, à votre tour, vous vous intéressez aux descriptions de trajets donnés dans la rue, vous constaterez que c'est une partie qui est assez fréquente. Soit on reformule, et là il y a encore des variantes, on reformule complètement ou on reformule partiellement, ou aussi on résume. Le résumé, c'est un autre type aussi de verbalisation fréquente qui apparaît parce qu'en somme, on recueille l'essentiel dans ce petit résumé de manière à faciliter la mémorisation. C'était quand même une première prise de contact, je voulais souligner l'aspect situé et multimodal. Deuxièmement, les aspects saillants de l'organisation des descriptions d'itinéraires piétons, selon moi. Je distinguerai territoire et carte, origo primaire et origo secondaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que j'appelle le territoire, c'est l'espace. Défini par la perception de l'environnement visible, ou du moins vers ce qui est perceptible à distance, mais pas forcément immédiatement visible. En tout cas, le territoire, c'est cette portion d'espace que les descriptions d'itinéraires captent dans l'environnement immédiat visible ou perceptible. Donc, le territoire, c'est un territoire fortement indexical, déictique, si vous voulez, on le montre à partir d'un point origine que j'appelle l'origo primaire. Alors, origo, c'est un mot latin, hein, c'est origo originis, je tire ça encore de Karl Müller, si vous n'aimez pas le latin, un vide point origine, point de perspective, et ça ira très bien aussi. Voilà. Je dirais que le territoire est visé à partir de l'origo primaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que c'est à partir de l'espace de l'interaction, là où se trouve placé le je et le vous du dialogue, n'est-ce pas, qu'est visé cet espace. Hein, on montre, vous voyez cette rue-là, ben vous la prenez, où on montre aussi à distance, à l'église, c'est par là derrière. C'est vers en haut. Vous voyez qu'à ce moment-là, l'église n'est pas visible, mais je la vise toujours à partir de l'origo primaire, c'est-à-dire à partir du lieu où se trouve le locuteur et l'interlocuteur. Et donc, c'est un espace sensible qui leur est perceptible intuitivement à distance ou par la vue, tout simplement parce que c'est du visible. Bon. Alors, ça, c'est le territoire. Hein. Et la carte. Eh bien, la carte correspond à ce que j'ai appelé la description dans l'itinéraire séquentiel. Lorsque l'informateur fait la description détaillée du trajet, il y a décontextualisation. Et là se produit une fracture dans la construction du sens parce que les moyens utilisés deviennent assez profondément différents. Forcément, il va falloir faire non seulement avec l'invisibilité des étapes qui sont données, ça c'est bien évident, mais avec le fait qu'on décrit une pratique qui n'est pas actuelle, puisque c'est une pratique qui va devoir être effectuée dans un deuxième temps, dans le futur, si on veut. Mais c'est aussi une pratique qu'on décrit de manière presque anonyme et généralisable. Quiconque, à partir de ce lieu, veut aller à l'église Saint-Roch, doit effectuer ce type d'opération. Alors cette décontextualisation me paraît en rapport avec ce que je disais tout à l'heure de la notion d'iconicité. Hein. L'iconicité met en jeu une forme de représentation de la réalité qui est assez, décontextualisée, hein, et assez décollée aussi des personnes du dialogue. Parce que le sujet de l'expérience, c'est un somnodi, c'est un anonyme, et il va et quiconque veut transmettre des savoirs sur la pratique doit devenir un peu ce n'importe qui. Et c'est ainsi que peuvent se transmettre les savoirs, à travers donc cette externalisation dans les pratiques. Donc, ici, on ne vise plus l'espace à partir de l'origo primaire où se trouve le jeu et le vous du dialogue, mais on vise l'espace à partir d'une origo qui est mobile. Parce que vous voyez que désormais, hein, alors j'appelle ça une origo secondaire, hein, désormais c'est plus l'origo O, mais c'est l'origo A' qui va devenir successivement O'A, O'B, O'C, O'D, les points A, B, C, D correspondant aux segments successifs du parcours, aux étapes successives du parcours. Alors, une fois que j'ai décrit ça, alors je vais m'arrêter et conclure, mais je vais problématiser cependant ma conclusion. Si vous voulez, pour la discussion, je pourrais vous montrer un ou deux autres exemples de description d'itinéraire, mais là, il faut que je sois sobre. Hein. Il y a quand même quelque chose qui m'a intriguée tout dernièrement. J'ai d'abord écrit, et dans le livre que nous avons publié récemment, « Parcours dans la ville, description d'itinéraire piéton », je dis « nous » parce que c'est un collectif, hein. J'avais pensé, je crois que j'ai écrit, que en fait, l'espace du territoire, c'est un espace réaliste, parce qu'en somme, c'est l'espace, l'environnement, c'est l'environnement qui est vraiment autour de nous, hein, que nous percevons et que parfois nous voyons, enfin que nous voyons en partie. En revanche, l'espace de la carte me semblait être un espace totalement décontextualisé à ce titre. Les conduites gestuelles me semblaient aussi devoir se situer en rupture. En somme, j'ai pensé, et c'est corroboré tout de même par un certain nombre d'observations, que dans un premier temps, dans la phase d'orientation où on donne des indications générales, par exemple l'église, ses parents, l'informateur et le demandeur sont co-orientés. Et puis j'ai pensé qu'au moment où on donne l'itinéraire séquentiel, la succession d'opérations pour construire le trajet, à ce moment-là, je me suis dit, eh bien, l'informateur et le demandeur doivent se placer en face à face. Effectivement, on a des interactions qui correspondent, qui illustrent absolument cela, hein, et on voit donc demandeur et informateur se placer l'un en face de l'autre et l'informateur regarde la gestication, le demandeur regarde la gestication de l'informateur. Mais, à force d'observer, je me suis rendu compte que c'était pas si simple et qu'en réalité, de nombreux informateurs restent orientés vers la cible invisible tout en donnant le trajet. C'est-à-dire que si vous voulez bien, je vais vous faire jouer le rôle du demandeur. Et alors, donc, dans un premier temps, nous co-orienterions et nous dirions l'église, c'est par en haut. Bon. Et dans un deuxième temps, dans la première hypothèse, c'était ceci, n'est-ce pas ? Alors, vous prenez la telle rue, vous suivez, vous tournez à droite. Et dans la deuxième version, je reste tourné vers l'église et je dis. On est la rue, puis vous allez tourner à droite, à gauche, puis je reste tourné vers l'église. Donc il y a une sorte de mixte entre l'orientation générale, l'église est par en haut, et d'autre part le parcours, mais je tiens compte du demandeur, et donc tout en donnant mon chemin, à chaque étape, je me tourne vers le demandeur pour vérifier, comme vous le faites, qu'il approuve et qu'il suit toujours. Voilà, alors cette variante finalement me convient assez bien parce qu'elle me paraît correspondre à l'hypothèse que j'ai faite sur les deux niveaux que j'avais d'abord essentiellement explorés à partir du verbal, n'est-ce pas, de la description d'itinéraire, le niveau condensif et le niveau expansif. Et si vous regardez à nouveau mon petit schéma, vous voyez que le niveau condensif dans la figure se développe en pointillé en arrière-plan du niveau expansif. Alors, mon hypothèse, c'était que les indications générales, qui sont fortement contextualisées, constituent de toute façon la toile de fond de la description détaillée d'itinéraire. Elles ne s'éteignent pas complètement, puisqu'elles permettent d'intégrer la description détaillée dans une image globale de l'espace décrit. Donc, les observations récentes me paraissent mieux correspondre à l'hypothèse que j'avais au départ. Alors, ce n'est pas que je veuille tirer les données dans ce sens, au contraire, puisque vous voyez que j'avais fait une hypothèse plutôt, plutôt inverse, mais finalement, les observations me font assez plaisir. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère n'avoir pas été en tant que linguiste, avec tous mes cadres explicatifs et mes méthodes, trop arides dans la présentation.